Mamma la vostra triste. Les frères Corse, chapitre 4. Mamma la vostra tristezza, a me dà tanta amarezza. L'offre correspondait trop bien au désir que j'avais de comparer les chambres des deux frères pour que je ne l'acceptasse pas. Je m'empressai donc de suivre mon hôte qui, ouvrant la porte de son appartement, passa devant moi pour me montrer le chemin. Cette fois, je crus entrer dans un véritable arsenal. Tous les meubles étaient du XVe ou du XVIe siècle, le lit sculpté à baldaquin, soutenu par de grandes colonnes torses, était drapé en damas vert à fleurs d'or. Les rideaux des fenêtres étaient de la même étoffe. Les murailles étaient couvertes de cuir d'Espagne, et dans tous les intervalles, des meubles soutenaient des trophées d'armes gothiques et modernes. Il n'y avait pas à se tromper sur les inclinations de celui qui habitait cette chambre. Elles étaient aussi belliqueuses que celles de son frère étaient paisibles. « Tenez, » me dit-il en passant dans son cabinet de toilette, « vous voilà au milieu de trois siècles. Regardez. Moi, je m'habille en montagnard. Je vous en ai prévenu, car aussitôt le souper, il faut que je sorte. Et quelles sont parmi ces épées, ces arquebuses et ces poignards les armes historiques dont vous parlez? Il y en a trois. Procédons par ordre. Cherchez au chevet de mon lit un poignard isolé à large coquille, au pommeau formant un cachet. J'y suis. Eh bien? C'est la dague de San Pietro. Du fameux San Pietro, l'assassin de Vanina? L'assassin? Non, le meurtrier. C'est la même chose, il me semble. Dans le reste du monde, peut-être. Pas en Corse. Et ce poignard est authentique? Voyez, il porte les armes de San Pietro. Seulement, la fleur de lys de France n'y est point encore. Vous savez que San Pietro n'a été autorisé à mettre la fleur de lys dans son blason qu'après le siège de Perpignan. Non, j'ignorais cette circonstance. Et comment ce poignard est-il passé en votre possession? Oh, il est dans la famille depuis 300 ans. Il a été donné à un Napoléon de Franchi, par San Pietro lui-même. Et savez-vous à quelle occasion? Oui, San Pietro et mon aïeul tombèrent dans une embuscade génoise et se défendirent comme des lions. Le casque de San Pietro se détacha, et un génois à cheval allait le frapper de sa masse lorsque mon ancêtre lui enfonça son poignard au défaut de la cuirasse. Le cavalier, se sentant blessé, piqua son cheval et s'enfuit en portant le poignard de Napoléone, si profondément enfoncé dans la blessure que celui-ci ne put l'en arracher. Or, comme mon aïeul tenait à ce qu'il parait à ce poignard et qu'il regrettait de l'avoir perdu, San Pietro lui donna le sien. Napoléone n'y perdit point, car celui-ci est de fabrique espagnole, comme vous pouvez le voir, et perce deux pièces de 5 francs superposées. Puis-je t'en t'ai laissé? Parfaitement. Je mis 2 pièces de 5 francs sur le parquet, et je frappai d'un coup vigoureux et sec. Lucien ne m'avait pas trompé. Lorsque je relevai le poignard, les 2 pièces étaient fixées à la pointe, percées de part en part. « Allons, allons, dis-je, c'est bien le poignard de San Pietro. » Ce qui m'étonne seulement, c'est qu'ayant une pareille arme, il se soit servi d'une corde pour tuer sa femme. « Il ne l'avait plus, » me dit Lucien, « puisqu'il l'avait donné à mon aïeul. » « C'est juste. » San Pietro avait plus de 60 ans, lorsqu'il revint exprès de Constantinople à Aix pour donner cette grande leçon au monde. Que ce n'est pas aux femmes à se mêler des affaires d'État. Je m'inclinai en signe d'adhésion et remit le poignard à sa place. « Et maintenant, » dis-je à Lucien qui s'habillait toujours, « voici le poignard de San Pietro à son clou. Passons à un autre. Vous voyez deux portraits à côté l'un de l'autre ?»« Oui, Paoli et Napoléon. » »« Eh bien, près du portrait de Paoli est une épée. » Parfaitement. C'est la sienne. L'épée de Paoli est aussi authentique que le poignard de San Pietro. Au moins, car comme lui, elle a été donnée non pas à un de mes aïeux, mais à une de mes aïeules. À une de vos aïeules? Oui. Peut-être avez-vous entendu parler de cette femme qui, au moment de la guerre de l'indépendance, vint se présenter à la tour de Sulacaro, accompagnée d'un jeune homme. « Non, dites-moi cette histoire. »« Oh, elle est courte. »« Tant pis, nous n'avons pas le temps d'être bavards. »« J'écoute. » »« Eh bien, cette femme et ce jeune homme se présentèrent donc à la tour de Sulacaro, demandant à parler à Paoli. Mais comme Paoli était occupé à écrire, on leur refusa l'entrée, et comme la femme insistait, les deux sentinelles l'écartèrent. Cependant, Paoli, qui avait entendu du bruit, ouvrit la porte et demanda qui l'avait causé. « C'est moi, » dit cette femme, « car je voulais te parler. » « Et que venais-tu me dire ?»« Je venais te dire que j'avais deux fils. J'ai appris hier que le premier avait été tué pour la défense de la patrie, et j'ai fait 20 lieues pour t'amener le second. » « C'est une scène de Sparte que vous me racontez là. » « Oui, cela y ressemble beaucoup. » « Et quelle était cette femme ?»« C'était mon aïeule. » Paoli détacha son épée et la lui donna. « Tiens, j'aime assez cette façon de faire des excuses à une femme. Elle était digne de l'un et de l'autre, n'est-ce pas ?»« Et maintenant, ce sabre. » « Et celui que Bonaparte portait à la bataille des pyramides. » « Sans doute il est entré dans votre famille de la même façon que le poignard et l'épée. »« Absolument. Après la bataille, Bonaparte donna l'ordre à mon grand-père, officier dans les guides, de charger avec une 50aine d'hommes un noyau de mamelouks qui tenait encore autour d'un chef blessé. Mon grand-père obéit, dispersa les mamelouks et ramena le chef au premier consul. Mais lorsqu'il voulut rengainer, la lame de son sabre était tellement hachée par les damas des mamelouks qu'elle ne put jamais rentrer au fourreau. Mon grand-père, alors, jeta loin de lui le sabre et le fourreau, comme devenu inutile. Ce que voyant, Bonaparte, il lui donna le sien. « Mais, dis-je, à votre place, j'aimerais autant avoir le sabre de mon grand-père, tout haché qu'il était, que celui du général en chef, tout intact qu'il s'est conservé. » Aussi, regardez en face, et vous le trouverez. Le premier consul le ramassa, fit incruster à la poignée le diamant que vous y voyez, et le renvoya à ma famille, avec l'inscription que vous pouvez lire sur la lame. Effectivement, entre les deux fenêtres à moitié sorties du fourreau où il ne pouvait plus rentrer, pendait le sabre, haché et tordu. Avec cette simple inscription, « Bataille des pyramides, 21 juillet 1798. » En ce moment, le même serviteur qui m'avait introduit et qui était venu m'annoncer l'arrivée de son jeune maître reparut sur le seuil. « Excellence, » dit-il en s'adressant à Lucien, « Madame de Franqui vous fait prévenir que le souper est servi. »« C'est bien, Griffo, » répondit le jeune homme. « Dites à ma mère que nous descendons. » En ce moment, il sortit du cabinet, habillé, comme il le disait, en montagnard, c'est-à-dire avec une veste ronde de velours, une culotte et des guêtres. De son autre costume, il n'avait gardé que la cartouchière qui serrait sa taille. Il me trouva occupé à regarder deux carabines pendues face l'une de l'autre et portant toutes deux cette date incrustée sur la crosse. 21 septembre 1819, 11 heures du matin. « Et ces carabines, demandai-je, sont-ce aussi des armes historiques ?»« Oui, dit-il, pour nous du moins. L'une est celle de mon père. » Il s'arrêta. « Et l'autre ? » demandai-je. « Et l'autre ? » dit-il en riant. « L'autre est celle de ma mère. Mais descendons, vous savez qu'on nous attend. » Et passant le premier pour m'indiquer le chemin, il me fit signe de le suivre.